Prononciation, intonation, exercice 44. Demandez une information. Écoutez. C'est quoi? Une épidémie? Répétez. C'est vous le directeur? C'est à vous cette voiture? C'est qui celui-là? C'est où cette fête? C'est quand le rendez-vous?